foutrais, moi, du Goldorak. Hey, hey, prête-moi une chanson. Joue-la-moi sur ton violon. Aide-moi, oui, toi, le musicien. Hey, prête-moi deux mots d'amour. Un je t'aime et un toujours. Des mots qu'elle comprendra bien. Hey, prête-moi une chanson. Mais surtout prends bien le ton. De l'espoir que j'ai au fond du cœur. Hey, le temps d'une déclaration. Mets-moi vite au diapason. Des artistes séducteurs. Gorge d'un fumeur, moi qui ne fume pas. J'ai tous les tics du buveur, moi qui ne bois pas. J'ai des problèmes de cœur, moi qui n'aimais que moi. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas avec mon petit moi. Hey, prête-moi une chanson. Ton violon, aide-moi, oui, toi le musicien. Hey, prête-moi deux mots d'amour. Un je t'aime et un toujours. Des mots qu'elle comprendra bien. Je cultive dans ma cour des roses et du lilas. Je prépare des discours que je ne dirai pas. J'ai beau faire le compte à rebours pour courir dans ses bras. Mes souliers me jouent des tours, ne m'obéissent pas. Hey, prête-moi une chanson. Joue-la-moi sur ton violon. Aide-moi, oui, toi le musicien. Hey, prête-moi deux mots d'amour. Un je t'aime et un toujours, des mots qu'elle comprendra bien. Hey, hey, prête-moi une chanson, mais surtout prends bien le ton de l'espoir que j'ai au fond du cœur. Hey, hey, le temps d'une déclaration, mets-moi vite au diapason des artistes séducteurs. Jean du con, lui qui n'était pas un mauvais garçon, mais qui passait son temps à ferrailler pour refaire le monde comme un ferblantier. Accoudé chaque soir au bout du comptoir, pilier de bistrot ou à pilier notoire, amusant les uns par ses histoires, désolant les autres par ses côtés noirs. Jeannot lapin, lapin garenne, il fallait voir au voir sa couenne. Rouge à faire pâlir de jalousie, les descendants des buveurs d'Amboisie. On l'appelait Jean du con, lui qui n'était pas si mauvais garçon. Il venait ici dans son bistrot, se saoulant moins de bibine que de mots. C'est dans l'alcool qu'il noyait sa détresse, depuis qu'elle avait quitté la traîtresse. Une soirée d'hiver des plus glaciales, pour oublier il fallait un cordial. Jeannot lapin, lapin garenne, il fallait voir au voir sa couenne. Rouge à faire pâlir de jalousie, les descendants des hochant la tête et les yeux dans le vide. Les grands yeux noirs qu'on croyait sans réaction. Il ne fallait qu'un petit accordéon pour que sur sa pauvre joue décharnée glisse une lame remplie d'humanité. Jeannot Lapin, Lapin Garen, il fallait voir au revoir sa couenne. Rouge à faire pâlir de jalousie les descendants de buveurs d'ambroisie. On l'appelait Jean du Con, lui qui n'était pas si mauvais garçon. Il n'avait jamais été cause d'amour, on lui avait pourtant donné le jour. Il n'avait jamais rien fait de ses deux mains, alors qu'il rêvait de faire le bien. Un soir ayant bu plus que de raison, il fut fauché en sortant de sa prison. Jeannot Lapin, Lapin Garen, il fallait voir au revoir sa couenne. Rouge à faire pâlir de jalousie les descendants des buveurs d'ambroisie. Radio Bonheur, la radio des ronfleurs. Avec un coffret regroupant 3 CD, voici toutes les versions originales des plus belles chansons de Vicky Leandros. Après toi, je ne pourrai plus vivre. Des amoureux comme toi, il y en a, mais c'est dans les rêves. Sur la lune, il n'y a pas de rose. Hey Joe McKenzie, ne nous oublie pas. €29, retrouvez au total 66 chansons. Toutes les plus belles chansons de Vicky Leandros dans un coffret de 3 CD, disponible à la boutique Radio Bonheur en face du centre commercial Leclerc dans le bourg de Pléneuf, à Pléneuf-Val-André, ou en commandant par téléphone au 02 96 63 00 63. Ce lien qui s'établit, la magie de la voix, elle boit chaque mot que murmure ses lèvres. Le temps s'arrête là. Que ne serais-je pas le trouveur, le poète qui sublime la fête et magnifie la joie dont le mystère s'accroît comme la voix captive et fait naître à lui. J'aurais voulu écrire pour toi la plus belle chanson qui soit, belle comme un festin de roi, magique et tragique à la fois. J'aurais voulu écrire pour toi la plus belle chanson qui soit, belle comme mille à la fois, de celle que l'on n'oublie pas. Incroyable défi qui les pousse à se lâcher. c'est au-delà des mots, c'est les mots insolentes, ils sont si loin déjà. Que ne serais-je pas le trouvère, le poète, le magicien prophète, des rimes et des lois qui fait rêver les cœurs et s'envoler les âmes, qui fait chanter tout bas. J'aurais voulu écrire un jour là belle chanson d'amour qu'on aurait chantée à la cour, pour Isabeau, pour la Pompadour. J'aurais voulu écrire un jour la plus belle chanson d'amour, à faire trembler les faubourgs, chialer Margot, craquer toujours. Belle chanson, c'est toi. Thank you. premier printemps. Angélique, Angélique, et tu resteras pour moi mon premier matin, mon premier soleil, mon premier chagrin. Oh, quand devant moi tu marchais, toi tu semblais voler, je croyais voir un ange du ciel. Tu souriais gentiment, sans savoir qu'en passant tu déchirais mon cœur d'enfant. De printemps, tu as pris le chemin qui fait femme une enfant de 16 ans. Mais au bout de ce chemin, ce n'était pas ma main qui te prenait la main. Qui te dira que depuis ce jour-là, dernier sourire, mon dernier printemps. Angélique, Angélique, tu seras toujours pour moi.

C'est magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je encore un peu pour notre bonheur, pour notre lumière, avec ton sourire, avec tes yeux clairs, ton esprit ouvert, ton air généreux. Tu aurais pu vivre encore un peu, mon fidèle ami, mon copain, mon frère, au lieu de partir tout seul en croisière et de nous laisser comme chien galeux. Tu aurais pu vivre encore un peu. T'aurais pu rêver encore un peu, te laisser bercer près de la rivière par le chant de l'eau courant sur les pierres. Quand des quatre fers, l'été faisait feu. T'aurais pu rêver encore un peu, sous mon châtaignier, à l'ombre légère, laisser doucement le temps se défaire, et la nuit tomber sur la vallée bleue. T'aurais pu rêver encore un peu. Tu aurais pu jouer encore un peu, au lieu de lâcher tes boules aux chères. Aujourd'hui sans toi, comment va-t-on faire? Dans notre triplette, on n'est plus que deux. Tu aurais pu jouer encore un peu, ne pas t'en aller sans qu'on ait pu faire. C'est rigolo, mordre la poussière avec un ange du tonnerre de Dieu. Tu aurais pu jouer encore un peu. On aurait pu rire encore un peu avec les amis des soirées entières, sur notre terrasse aux roses trémières, parfumées d'amour, d'histoire et de jeu. On aurait pu rire encore un peu, et dans la beauté des choses éphémères, caresser nos femmes, élever nos verres, sans s'apercevoir qu'on était heureux. On aurait pu rire encore un peu. Tu aurais pu vivre encore un peu, ne pas m'imposer d'écrire ces vers. Toi qui savais bien, mon ami si cher, à quel point souvent je suis paresseux. Tu aurais pu vivre encore un peu. chaque fois qu'il est là, je te vois. Tourner autour, lui faire la cour, je te vois. Avec lui, tu peux danser. Et je ne voudrais pas t'en empêcher. Mais si tu n'oublies pas, que maintenant il est à moi. N'oublie pas, il est à moi. Car dans tes yeux, je lis à chaque fois. Et tu voudrais me l'enlever, oui, je le vois. Oh, tu lui fais le beau sourire. Je ne crois pas que tu me fais souffrir. Mais surtout, n'oublie pas que maintenant il est à moi. Je crois bien que tu as tout fait. Ailleurs, tu devrais bien chercher. Cela fait plaisir, cela fait vraiment plaisir. Voici le dernier CD d'Alain Morisot et des Sweet People. Mes amis, mes amours, mes emmerdes, belle île en mer, Marie galante, tu verras, on se retrouvera. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre. La vie nous a donné tes coups, mais on n'est pas. Le dernier CD d'Alain Morisot et des Sweet People est disponible pour 20 euros à la boutique Radio Bonheur dans le bourg de Pléneuf, en face du centre commercial Leclerc à Pléneuf-Val-André, ou en appelant le 02 96 63 00 63. For the rest of my days.

on a trop fait l'amour ensemble. Radio Bonheur, accélérateur de bonheur. Rien à foutre, on en a rien à foutre. En été, quand on est sur la route, en tracteur, nous on fait les bouchons. Les touristes en vacances au mois d'août nous gueulent dessus, ils nous prennent pour des cons. Mais quand ça pue en traversant le village, le purin qui est fait par les cochons, ils nous disent d'arrêter les élevages, car les portions ça ferait de la pollution. Rien à foutre, on en a rien à foutre. Et de tout ça, on en a rien à foutre. Rien à foutre, on en a rien à foutre. Et de tout ça, on en a rien à foutre. De Caracas et jusqu'à Pont-Aven, y a pas mieux que nous pour souffler dans le biniou. Pour les Indiens et puis les Bigoudaines, c'est nous qu'on est les bagados du Pérou. Dans la grange, quand on joue de la musique, les voisins, ils arrivent en broyant, car ils trouvent que c'est pas catholique le gamin nu qui joue en te dansant. Mais rien à foutre, on en a rien à foutre. Et de tout ça, on en a rien à foutre. Rien à foutre, on en a rien à foutre. Et de tout ça, on en a rien à foutre. Le dimanche, si qu'on va à la messe, le curé nous fait des réflexions. Il aimerait bien que l'on aille à confesse, nous on préfère aller boire un canon. On aimerait bien trouver une promise qui saurait travailler dans le purin et qui saurait repasser toutes ses chemises, ses calcifouettes et tout son Saint-Fusquin. Mais rien à foutre, on en a rien à foutre. Et de tout ça, on en a rien à foutre. Rien à foutre, on en a rien à foutre. Et de tout ça, on en a rien à foutre. Quand on roule avec nos voiturettes, les gendarmes nous attendent au tournant. Ça c'est pas grave, y'a rien qui nous arrête, car le permis, on l'a plus depuis longtemps. Convoqué devant le tribunal, avec le juge et monsieur le président, la suspension, on trouve pas ça normal, que pour 5 grammes, ils lui ont mis 5 ans. Rien à foutre, on en a rien à foutre. Et de tout ça, on en a rien à foutre. Rien à foutre, on en a rien à foutre. Et de tout ça, on en a rien à foutre. Le labo a fait des analyses et il paraît qu'il a du cholestérol, mais il veut pas passer à la dialyse et le traitement il le fait au bistrot. Quand on sera bon pour la maison de retraite, a pas question qu'on nous enferme là-dedans. On peut faire mieux crever la bouche ouverte en gueuleton dans un grand restaurant. Rien à foutre, on en a rien à foutre. Et de tout ça, on en a rien à foutre. ça, on n'en a rien à foutre. Venez à ma table et buvez J'ai besoin de rire et de parler, mais pas tout seul. Y a qu'un endroit qui n'a pas changé, c'est ce bistrot tout gris. Les marins viennent s'enivrer de vin, de whisky. Qu'est devenue celle qui m'a dit je t'attendrai? In the house of stone and Après le succès de la clé USB 250 titres d'Alain Morisseau et des Sweet People, voici la nouvelle clé USB 200 titres. La suite, c'est le nom de cette nouvelle clé USB avec 27 heures de musique et 200 titres, tous différents de la première clé. La nouvelle clé USB d'Alain Morisseau et des Sweet People avec 200 titres est disponible pour 49€. À la boutique Radio Bonheur, en face du centre commercial Leclerc, dans le bourg de Pléneuf, à Pléneuf-Val-André. Vous pouvez aussi commander par téléphone au 02 96 63 00 63. Pour tout essayer de...

la bonne odeur de café noir. Encore un jour, la vie, l'espoir, le point du jour.